Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'argent et la religion. Un duo infernal et très ancien. Depuis les plus vieux textes sacrés, la question de la richesse est posée comme un problème moral. La Bible assimile même la richesse à un démon, Mammon, nécessairement opposé à la divinité. Pourtant, il y a une sacralité de l'argent, et au-delà, de la réussite, de la possession. Une sacralité d'un genre très particulier qui s'est imposée à l'époque des Trente Glorieuses, ce qui n'allait pas d'ailleurs sans quelques tensions avec un certain nombre de morales plus méfiantes vis-à-vis des choses matérielles de ce bas monde. Que ces morales soient d'ailleurs inspirées ou non des grandes religions. Le sacré et l'argent, c'est donc le sujet de l'émission que voici. C'est le sixième volet d'une série de 8 émissions autour du sacré dans le monde moderne, une série réalisée par les radios publiques francophones en 1974. Aspect du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à un thème bien spécifique, les rapports du sacré et de l'argent. On peut se demander en effet si, au-delà de sa valeur utilitaire, l'argent n'a pas acquis dans le monde moderne un caractère sacré qui s'étendrait d'ailleurs par extension à ceux qui en possèdent en grande quantité. Pour Jean Duvigneau, la réponse ne fait aucun doute. Dans une certaine mesure, un billet de banque, c'est sacré. Le dollar est sacré. Vous savez bien que dans certains pays, par exemple aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de photographier des dollars. En France, si vous brûlez un billet de banque important sur la voie publique, vous risquez d'être emmené en prison. Parce que le billet est là, doué d'un pouvoir sacré, il représente la richesse nationale. Cette richesse nationale, si, comme tout chacun sait, si merveilleusement répartie. Eh bien, c'est alors le pouvoir, une sorte de détournement du sacré. And you stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap. Pour le professeur Léo Moulin, le caractère sacré de l'argent n'est pas un phénomène propre à notre époque. L'argent a toujours été sacré, en vérité, n'est-ce pas? Il y a toujours eu autour de l'or, rappelez-vous le texte de Virgile, n'est-ce pas? Auri fama sacres. Il y a toujours eu une impression de sortilège, quelque chose de sacré. L'or a toujours attiré profondément les gens. Il y a là quelque chose de véritablement sacré au sens très fort du mot alors. Par conséquent, là, ce n'est pas une nouveauté. Et je dirais, dans une certaine mesure, l'argent est plutôt le signe aujourd'hui de la puissance sociale, plutôt que l'argent en soi. Il y a moins de thésauriseurs, il y a moins d'avares, si vous voulez, qu'autrefois, où cela avait peut-être une signification de sécurisation, d'ailleurs. Je ne crois pas que l'argent ait pris, ait aujourd'hui la même allure sacrée, le même vêtement sacré qu'autrefois. Et dans une certaine mesure, la réaction des hippies, par exemple, enfin, n'est-ce pas, qui est très pauvre intellectuellement, bien entendu, mais la réaction en profondeur est une réaction contre le règne de l'argent dans un pays où l'argent était roi, bien entendu. Quand ils disent « l'homme ne vit pas que de pain », ils auraient pu ajouter « ne vit pas que d'argent ». Et c'est ce qu'ils s'efforcent de faire dans une société assez riche, d'ailleurs, pour entretenir des groupes marginaux qui ne travaillent pas conformément aux lois établies par cette société. Mais je ne crois pas que l'argent, aujourd'hui, soit autre chose qu'un signe ou de sécurité ou de puissance ou évidemment de bien-être puisque tout le monde est désormais sensible au bien-être et au confort. Je ne crois pas que ce soit la chose la plus sacralisée, sans doute parce qu'il l'était déjà depuis très longtemps, et qu'ensuite, il y a des engagements plus profonds qui nous entraînent, notamment les engagements politiques, que les engagements d'argent. Au fond, plus personne aujourd'hui n'ose dire « j'aime l'argent, je veux devenir riche ». Même les riches ont mauvaise conscience, n'est-ce pas? Et l'argent a toujours traîné derrière lui une odeur un peu satanique, n'est-ce pas, maléfique. Au fond, surtout dans le monde catholique, dans le monde protestant, là, la réussite sociale, et encore, ce n'était pas l'argent, c'était la réussite, n'est-ce pas? C'est encore différent. Parce qu'ils investissaient à leur tour l'argent qu'ils avaient conquis, ils avaient acquis de cette façon-là, enfin, n'est-ce pas, dans d'innombrables œuvres de charité. Pensez à Rockefeller, n'est-ce pas, tous les fonds de toute espèce que les gens les plus riches dans les pays protestants ont créés. Dans les pays catholiques, ça, pendant des siècles, était très mal vu d'être riche. Il fallait s'en défendre. Il y a d'innombrables fabliaux, on voit le riche qui périt en enfer, enfin, qui est puni, n'est-ce pas, qui est méprisé ou quoi. Quand même Saint François d'Assise épouse d'âme pauvreté, il est suivi par des centaines de milliers d'individus dans la première société de consommation que l'on connaisse au XIIIe siècle, parce que les villes, à ce moment-là, c'est l'apparition, c'est l'embryon d'une société de consommation. Mais il est évident que Saint François personnalise déjà cette aspiration à la pauvreté, l'incarne d'une façon merveilleuse et parfaite. Bon, cela prouve que nous n'avons jamais eu une bonne conscience à être riche. Et de même que plus personne ne se vante aujourd'hui d'être de droite, plus personne ne se vante aujourd'hui d'être riche. Est-ce que vous pouvez imaginer un monsieur qui fasse imprimer aujourd'hui une carte de visite, comme ça se faisait encore il y a 50 ans, avec en dessous « rentier » ? Qui oserait se dire « rentier » ? Personne, personne. On avouerait bien d'autres choses, mais certainement plus rentier. Et petit rentier, ça fait misérable d'ailleurs, n'est-ce pas? Et même le petit rentier se défend. Il se dit, je travaille encore, je fais ceci, je fais des petits travaux de comptabilité. Enfin, plus personne ne veut rester inactif. Le pire playboy, enfant d'un homme richissime, il fait un métier, un de ces métiers dont on sait très bien que ça ne vous enrichit pas, mais il fait semblant de travailler. Claude Javot, sociologue. L'argent est sacré dans la conception bourgeoise du monde. Certains écrivains, comme Balzac par exemple, ont mis en évidence la sacralisation à travers certains personnages de la possession de l'argent. Et à notre époque, on peut mettre en évidence ici un phénomène qui correspond au passage dans la catégorie de ce qu'on a appelé les Olympiens, de gens dont la seule qualité est d'être riches. Les Olympiens, c'est des gens qui, selon la définition d'Edgar Morin, au fond échappent aux lois communes, à la stigmatisation commune parce qu'ils sont au-dessus du commun. Et c'était traditionnellement, je ne sais pas, les grands chefs de guerre, les grands artistes, les grands créateurs, certains grands savants, certains hommes politiques, et on s'aperçoit que dans cette catégorie entrent maintenant, comme d'ailleurs il y a 70 ans ou 100 ans, des personnes qui sont très riches. Pierpont Morgan, Rockefeller, et à notre époque, disons Onassis, qui est un très bel exemple d'homme devenu sacré. Avec la contrepartie amusante, c'est que une certaine presse, par exemple, essaye de refaire basculer des Olympiens comme Onassis dans le domaine profane en les dénigrant. C'est-à-dire qu'on montrera dans la presse, j'appelais la presse du cœur et de la fesse, si vous permettez l'expression, des photos de M. Onassis et de Mme Onassis tout nus. Ce qui les ravale au niveau commun, mais en recréant la distance, parce que ce sont des gens que l'on peut montrer tout nus. Comme ils ont de l'argent, ils échappent également à la stigmatisation qui provient du fait qu'ils commettraient un attentat à la pudeur ou qu'ils se comporteraient de façon indécente. Ces sujets indécents, on peut les montrer quand même parce qu'eux peuvent être indécents. Est-ce que vous croyez que pour les jeunes dans le monde occidental, dans nos sociétés, l'argent est une chose sacrée? Si on en croit des sondages, oui. Moi, il faut aussi accorder aux sondages la valeur qu'ils méritent, c'est-à-dire muni d'un coefficient de, j'allais dire, de défiance et même d'inquiétude assez élevé. Je ne sais pas si c'est sacré. Je crois que l'effort pour gagner de l'argent et pour en faire l'usage le plus complet possible, c'est-à-dire pour amasser des biens, est patent dans notre société dans la mesure où on semble observer que l'avoir l'emporte sur l'être. Il importe d'avoir beaucoup et quand on a beaucoup, on est beaucoup. Ça, c'est une tendance qu'on pourrait appeler le matérialisme ambiant, etc. Mais c'est contrebalancé par des secteurs qu'on a appelé de contre-culture, qui renverse les valeurs et qui essaye de faire passer ce qu'on a appelé la qualité de la vie avant la quantité de la vie. C'est une tendance qui se remarque de plus en plus et qui semble introduire un système de contre-valeurs à côté des valeurs dominantes, bourgeoises, capitalisme lié à la possession, etc. Daniel Gillès, romancier, connaît par expérience personnelle le monde de la finance et des affaires, auquel il a consacré deux récits, « Jetons de présence » et « Le coupon 44 ». Il est certain que dans le monde moderne, du moins dans une partie du monde moderne, l'argent est un des seuls dieux ou une des seules incarnations encore admises et même vénérées par le plus grand nombre. Ça a toujours existé, rappelez-vous, la Bible, on y trouve déjà le veau d'or, mais c'était un faux dieu. L'argent a toujours été respecté, mais je dirais que c'était quand même un peu d'une façon cachée, on n'en était pas si fier. Tandis qu'après le renversement des valeurs sacrées, traditionnelles, la religion, etc., vous avez eu, après la Révolution française, une espèce de sacralisation de l'amour. Au fond, au XIXe siècle, c'est ça, à travers l'opéra et tout. ça aussi mal fini, si j'ose dire. Et je suis très frappé par le fait que depuis, le relais a été pris par l'argent. C'est certainement aujourd'hui, dans le monde occidental, l'élément sacré par définition. Qu'est-ce qui reste à part ça? Rien. Mais l'argent, lui, a pris de plus en plus ce rôle de... Il domine tout. Vous promenez-vous dans les rues, vous verrez que les... Même ici à Bruxelles, les grands bâtiments, les cathédrales de notre époque, ce sont les banques. Ou les bourses, ou les ces choses-là. Est-ce que l'argent confère à celui qui en a, à celui qui en a beaucoup, surtout, un caractère sacré aussi, à sa propre personne en quelque sorte? Mais bien sûr, parce que tout ça s'enchaîne. Et non seulement l'argent est sacré, mais celui qui en est dépositaire, ou dont on croit qu'il en est dépositaire, est lui-même l'objet d'un culte. Ça me frappe énormément, c'est qu'aujourd'hui, le respect porté aux gens est en fonction essentiellement de leur compte en banque. Ce qui est aussi nouveau. Au Moyen Âge, ceux qui touchaient à l'argent étaient plutôt mis de côté, étaient mal vus. Aujourd'hui, on ne respecte plus que celui qui a de l'argent, peu importe la façon dont il se l'est procuré. Ça va même tellement loin que, voyez les hold-up, l'élément sacré argent est en jeu. Eh bien, ça fascine les gens. Et moi, j'entendais dernièrement des commentaires dans l'autobus, de garçons et de filles, qui admirent ces types qui font des coups et qui brusquement ont 2-3 millions. Vous parlez des jeunes, précisément. Est-ce que vous croyez que pour les jeunes aussi, dans le monde occidental, l'argent est sacré? Hélas, oui. Promenez-vous, entendez-les, écoutez-les. Ou bien je suis très vieux et j'ai perdu la mémoire, mais il me semble que ça n'était pas comme ça il y a une génération. Aujourd'hui, les jeunes ont pour l'argent un véritable culte. Vous entendez des garçons de 12-13 ans qui discutent entre eux, qui disent « Voilà, moi j'ai envie d'un électrophone, il me faut de l'argent, j'ai tapé bonne maman, je vais taper la tante une telle. » C'est l'argent. Ils ont, parce que ça concrétise pour eux tous les possibles. La sacralisation de l'argent coïncide-t-elle avec le déclin des religions institutionnelles? Une opinion, celle du pasteur Hugues Boudin. L'argent est sacré parce que le terme de sacré me fait penser souvent à un magasin de chaussures, où en fait tout le monde y entre et trouve chaussures à son pied. Et c'est tellement complexe, c'est tellement vaste. Il y a des aspects éthiques, de morale, il y a des aspects également artistiques dans le sacré, mais je crois que l'argent est sacré dans la mesure où il permet à celui qui le possède, à celui qui s'en est rendu maître, une certaine puissance. Et je crois que là, nous retrouvons une des données essentielles du sacré, c'est en fait le contact qui permet d'exercer une puissance, d'exercer un pouvoir que l'on n'avait pas avant. Donc l'argent sacralise celui qui en possède, surtout celui qui en possède beaucoup. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est quantitatif au fond, parce que chacun à son niveau a ce sentiment de puissance que donne l'argent. Aussi, c'est le fait d'être indépendant. La puissance que l'on accordait précédemment à la divinité est répandue maintenant, et c'est l'argent, c'est le médium, c'est le canal au fond par lequel on atteint une position dans la société, un respect. Tout cela, je crois, a vraiment un caractère de sacralisation. C'était Le Sacré et l'Argent, une émission de Marcel Kroes avec des témoignages de Jean Duvigneau, Léo Moulin, Claude Javot, Daniel Gilles et le pasteur Hugues Boudin. Collaboration Jean-Rizère Nadal. Réalisation Ronald Tenen. Collaboration technique André Thompson. Aspect du sacré dans le monde moderne est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission était la sixième d'une série de 8, première diffusion sur France Culture le 10 août 1974. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. You'd be so easy to love, so easy to handle, so others above, so so swell to keep everyone vibrant for. We'd be so grand at the game, so carefree together, that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you're so easy to love. And easy to love.